En direct des studios de C'est fou, vous écoutez les palmarès francophones. Bonjour et bienvenue au palmarès francophone de C'est fou. Vous aurez probablement remarqué l'absence de Mathieu Plante. Normalement, c'est lui qui anime l'émission ici. Les palmarès francophones, mais ça m'arrive quand même de venir faire des tours dans les palmarès. Et de toute façon, vous reconnaissez peut-être ma voix. C'est Kiwan qui est ici aujourd'hui pour remplacer Mathieu. C'est sûr qu'en plus, si vous écoutez l'édition du vendredi, vous venez juste d'entendre les palmarès anglophones avec Mathieu il y a quelques minutes. Donc, vous ne pouvez pas vraiment ne pas remarquer qu'il y a eu un remplacement. Donc, c'est moi aujourd'hui qui va animer les palmarès francophones. Mathieu va venir nous rejoindre probablement en cours d'émission ou sinon pour les auditeurs du jeudi, pour l'émission Assemblage de qui s'en vient dans 2 heures. Aujourd'hui, les nouvelles entrées dans le palmarès francophone, il y a entre autres Demi Robitaille avec la pièce Mot de passe qui est le premier extrait officiel de son album Homme autonome. Il va aussi avoir Polype avec la pièce Presse Citron qu'on a déjà joué pas mal ici à C'est fou et enfin elle fait son entrée dans le palmarès francophone. Polype, c'est la position numéro 20, donc on va l'entendre dans quelques secondes. On a juste le temps de vous rappeler que l'ancien numéro 1 de la semaine passée, c'était Patrick et les Brutes avec la pièce Chez Candy. Donc, si vous voulez savoir si ça tient, vous allez devoir écouter jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, on écoute la position numéro 20. C'est Polype avec la pièce Presse Citron. Au palmarès, c'est vous. Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? La femme sont faites pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. Je cogne à la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clé sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice. Je veux goûter aux délices. Oh, oh, oh, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah! L'homme et la femme sont faits faire l'amour. Et comme je suis un homme et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes toute la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche, je vais sortir ma langue de ma poche, trouver les mots qui nous rapprochent. Je veux te faire de l'effet. Donne-moi le code secret. Oh, oh, oh, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Damien Robitaille, oui, c'est la nouvelle pièce. C'est le deuxième extrait, je crois, dans les palmarès francophones. C'est la pièce Mot de passe qui est en fait le premier extrait officiel de cet album-là. Donc, celui que vous avez peut-être déjà entendu à quelque part ou sinon que vous risquez d'entendre un jour. Juste avant ça, c'était peut-être juste le temps de donner quelques nouvelles sur Damien Robitaille. Probablement qu'il est déjà, non, pas encore, pas au moment où on se parle, mais bientôt il s'apprête à s'en aller vers Vancouver parce qu'il va faire partie des. Il fait partie des artistes, en fait, de la francophonie qui vont se produire aux Jeux Olympiques de Vancouver. Il va y aller deux fois, donc, et entre-temps, quelques petits spectacles dans le coin ici. Et rien de prévu encore pour ici, Trois-Rivières. Je pense qu'il est pas encore. Je pense qu'il est jamais venu ici à Trois-Rivières en tant que tel, ou sinon, ça fait très longtemps. Et juste avant ça, on avait entendu Polype avec la pièce Presse Citron. C'était la 20e position du palmarès francophone. Et Presse Citron, pas Presse Citron, mais Polype, eux sont venus dernièrement, l'automne passé, ils étaient à Trois-Rivières en compagnie du groupe Barton Fink, ils étaient venus à l'embuscade et je pense qu'ils ont aimé ça pas mal parce qu'ils remettent ça, vont refaire exactement la même chose. Finalement, les deux groupes ensemble, Barton Fink et Polype, c'est le 3 mars prochain, donc en petit peu plus qu'un mois, on a le temps de vous en reparler. Voilà pour Polype, maintenant on va aller écouter la position numéro 17 du palmarès francophone, c'est le groupe Asso avec la pièce Agenda, c'est la deuxième pièce du groupe Asso qu'on a dans les palmarès franco, donc on écoute Agenda tout de suite au 89.1 FM. We'll qu'une partie de moi qui manque vraiment. T'es parti depuis, je me demande, je vais continuer comment. C'est correct, tu t'es menti, je me suis menti aussi. Tout ça c'est du passé, pourtant je reste là accroché. Je voyage, je suis toujours à même page. Je sais plus voir la beauté avec toute la peine que j'ai. Mais sûrement dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui s'envole des mémoires. En attendant, le monde tourne fort. En attendant, je m'en remets pas. Vincent Vallière avec la pièce Le Monde Tourne Fort, c'est une pièce à laquelle a participé entre autres Louis-Jean Cormier du groupe Carquois. Juste avant ça, on avait entendu le groupe Asso avec la pièce Agenda, et maintenant dans le prochain bloc, on va entendre deux positions, deux artistes en fait qui ont descendu pas mal dans le palmarès. On va entendre Fred Fortin avec la pièce Dolorama, ça passe de la 4e à la 16e position, et on va aussi entendre Patrick et les Brutes avec la pièce Chez Candy. C'était l'ancien numéro 1, c'est la semaine passée, donc ça veut dire qu'on aura un nouveau numéro 1 cette semaine. C'est toute une descente pour Patrick et les Brutes qui descendent en fond de 15 positions. Donc, nous, on écoute Fred Fortin tout de suite avec la pièce de Dolorama. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Fabriquer

Les Amis au Pakistan avec la pièce Le Fleur de ma journée, et avec un son surtout qui est un petit peu plus mélodique et un petit peu plus, je sais pas, mieux construit que sur le premier album. Donc c'était la position numéro 14 du palmarès francophone. Je vous rappelle donc que c'est Kiwan qui aujourd'hui remplace Mathieu Plante et va être de retour très bientôt. Et après la pause, on écoute la position numéro 13 du palmarès francophone. L'entrée du garage est condamnée depuis déjà longtemps. Les curieux y jetteraient bien un coup d'œil, mais pourtant, les seuls qui sont amis font partie de nos amis. Les autres qui restent dehors, mais puis tant pis. Y'a de quoi d'eau qui se passe dans le voisinage. On nous entend travailler dans le garage. Ça inquiète la population, mais ils vont savoir, ça sera pas long. Mais y'a de quoi d'eau qui se passe dans le voisinage. Si ça les inquiète tant, c'est que la dernière fois, les gars du quartier voisin ont voulu faire la loi. On les a vus débarquer, presque tous armés, de balles de baseball et de balles de fer rouillé. De balles de baseball et de balles de fer rouillé. La rencontre s'était montrée plutôt violente. C'est à huis clos, c'était déroulé la battante. On les avait laissés rentrer, mais quand la porte s'est refermée, c'est en ambulance qu'ils s'en sont tournés. Voici c'est différent, y'a pas de bagarre ni d'effusion sans cesse. Voici on peut être fier de ce qui sort du garage. Ça fait des mois qu'on est sur ce projet-là. Quand ça va sortir, vous y croirez même pas. Préparez vos Kodak, c'est à soi qu'on roule les portes du chat. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Le groupe de Trois-Rivières est mal léché avec la pièce Le Garage, la position numéro 13, palmarès francophone cette semaine. Je vous rappelle que c'est Kiwan aujourd'hui qui remplace Mathieu. En fait, qui devrait être de revenu, j'imagine, avant la fin du palmarès. Donc, ennuyez-vous pas trop. Mathieu va revenir, ce sera pas bien long. On est maintenant rendu au numéro 12 du palmarès francophone. Numéro 12 qui est occupé par le groupe Ariel, qui ont remporté l'édition 2009 des Francouvertes l'année dernière. Donc, cette année, vont faire un peu office de groupe hôte des Francouvertes 2010. Donc, pour le 1er février prochain, vont faire partie du spectacle de lancement des Francouvertes 2010. Nous, on les écoute avec la pièce Méfie-toi, Méfisto à la position numéro 12. Ça va être suivi de Naïve et la pièce Écho en 11e position, et de Shampoing avec Richesse de la Flore en 10e position. Shampoing, lui, fait partie des participants au concours des Francouvertes cette année. Donc, on se tape tout de suite ce bloc de trois pièces dans les palmarès francophones à C'est fou, 89.1 FM.

C'était Shampoing avec la pièce Richesse de la Flore. C'est la position numéro 10 du palmarès francophone. Ça descend de 1. Et maintenant, on va passer à la position numéro 9 qui monte tranquillement. C'est les trois accords avec la pièce Ton pantalon est plein. Les trois accords vont être ici à Trois-Rivières. Est-ce qu'on vous l'a assez dit en spectacle gratuit? C'est vendredi prochain, le 29 janvier, pas vendredi de demain ou ce soir pour ceux qui écoutent la rediffusion, mais bien la semaine prochaine. Donc, le 29 janvier, c'est un spectacle gratuit au Parc Champlain ici dans le cadre des Nuits polaires. Et on les écoute tout de suite avec la pièce Ton pantalon est plein sur C'est fou 89.fm. Ton pantalon est plein. Groupe FLAT, Flat, avec la pièce Sexydélic, c'est la pièce numéro 8 du palmarès francophone cette semaine. Et on va tout de suite aller écouter la position numéro 7, c'est le groupe Orange Orange et la pièce Et je pleure. Le groupe Orange Orange, si vous ne savez pas, c'est un duo formé, entre autres, de Dom Amel, ancien membre du groupe Gatineau. Et pour les fans de Gatineau, sachez que le groupe va être en spectacle demain soir. C'est du côté de Montréal, par contre, mais ça vaut vraiment la peine de se déplacer parce qu'en fait, ils vont faire une performance sous leur pseudonyme Camouflard. C'est un peu le nom qu'ils utilisent jusqu'à temps que leur prochain album sorte. C'est prévu pour le printemps 2010, donc bientôt. Et ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont en période de création, donc ils se sont enfermés dans leur studio chez eux pour composer. Et puis de temps en temps, ils font une petite apparition publique comme ça pour tester leur nouveau matériel sous le pseudonyme Camouflard. Et en une de ces rares apparitions, donc demain soir ou en tout cas vendredi le 22 janvier, c'est au Divan Orange à Montréal pour les fans de Gatineau. Saisissez cette occasion-là parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup jusqu'à temps en fait que le prochain album sorte. Et là, j'imagine qu'il y aura une bonne tournée pour Gatineau. Donc, on écoute tout de suite le groupe de l'ex-Gatineau, Dom Amel, avec son groupe Orange Orange avec la pièce Et je pleure au palmarès, c'est fou, au 89.fm. Ce soir au cinéma, dis-moi, dis-moi, ah. Je suis libre de quoi que ce soit. Et toi, ah. Je me contenterai de presque rien. Même d'un navet en ukrainien. Je te tends la main. Prends-la, prends-la. Sors-moi. Ce soir près de chez toi. Dis-moi, dis-moi, ah. Je suis libre de qui que ce soit. Et toi, ah. Je me contenterai de presque rien. D'un baiser ou d'une poignée de main. Je te tends la joue. Prends tout, prends tout. Sors-moi, ah. Ah, vous avez peut-être remarqué que c'était pas la pièce Et je pleure, mais bien la pièce Sors-moi de Orange Orange. Mais qu'est-ce que seraient les palmarès sans une erreur de pièce comme ça? voyez que mon remplacement de Mathieu Plante est vraiment très, très fidèle. Je fais les mêmes erreurs que lui. Donc, on pourra peut-être revenir, si on a du temps, un peu plus tard avec la pièce « Et je pleure », mais sans moi, quand même une excellente pièce de Orange Orange. Pour l'instant, on va aller faire une pièce et on va poursuivre. On va rentrer bientôt dans le top 5 des palmarès francophones et on essaiera de revenir avec « Et je pleure » un peu plus tard. Restez là, les palmarès, c'est fou, se poursuivent. Le groupe Éléphantine avec la pièce « Debout dans la file », c'est stable en position numéro 6. Le groupe Éléphantine qui devait être à Trois-Rivières cette semaine en spectacle au Gambrinus. Ici, le spectacle a été annulé et selon une source officieuse, le spectacle serait reporté en juin. Donc, c'est quand même très loin. Donc, ça a le temps de se confirmer, de se déconfirmer. Ça a le temps de changer. Donc, on vous en reparlera d'ici là. Maintenant, on va écouter les positions 4 et 5 qui occupaient la semaine dernière les positions 2 et 3. Donc, étant donné qu'on avait déjà entendu la position numéro 1 avec Patrick et les Brutes, ça voudra dire qu'on a un top 3 nouveau. Cette semaine, le top 3 au complet va être occupé par des nouveaux artistes, des nouvelles pièces. Donc, on va écouter en quatrième position Chinatown qui vont faire partie du spectacle Bénéfice organisé, entre autres, par Bon Sang et Dare to Care Record pour venir en aide aux sinistrés d'Haïti. Parmi les autres artistes qui vont faire partie de ce spectacle-là, à part Jonathan, il va aussi avoir Beast, Malajube, Radio Radio, Xavier Caffeine, Power Up First, Paul Cornello, For Those About To Love, Marc Bérubé et Otari. Donc, il y a vraiment beaucoup de très bons artistes. Tout ça, ça va avoir lieu mardi prochain, le 26 janvier. C'est à Montréal, au studio Juste pour Rire. Et hâtez-vous si vous voulez acheter vos billets, parce que c'est seulement 25$ donc pour... 25$ taxes incluses pour tous ces artistes-là, et en plus c'est pour une bonne cause, donc ça me surprendrait pas que ce soit déjà complet, mais vous pouvez toujours vérifier à la billetterie Juste pour Rire, donc 25$ pour ce super spectacle-là. Donc on va entendre Chinatown dans le prochain bloc en position numéro 4, mais tout de suite, la cinquième position, c'est Hôtel Morphée avec la pièce Danse sur les toits. Vous êtes dans les palmarès francophones sur CIFU 89.1 FM. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur, laisse grandir le moteur. Défiler les acteurs, descend doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde, prends ton temps et respire. Encore plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main soldat de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. chouette ma vie. Mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Oui, je le veux qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes yeux de chanson triste, en si triste. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Moi je te tiens la porte et allons battre la semaine en des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Tu es un mythe du groupe Chinatown, c'est la position numéro 4 du palmarès francophone de cette semaine. On va écouter tout de suite la position numéro 3 qui est occupée par Charlotte Gainsbourg avec la pièce Le chat du café des artistes. Juste avant, je vous parle un peu de son papa, Serge Gainsbourg, dont le film sur sa vie qui s'appelle Gainsbourg, vie héroïque, donc le film qui est un peu une biographie de Serge Gainsbourg. C'est sorti cette semaine en France, c'est sorti le 20 janvier et c'est déjà numéro 1 en France au cinéma, donc ils sont quand même assez rapides, hein. Je sais pas si les films sortent toujours au milieu de la semaine comme ça, mais le 20 c'était comme un c'était un mercredi, donc le film est sorti et déjà on peut dire que c'est numéro 1. C'est un peu bizarre comme façon de calculer les choses, mais bon, peu importe, ça risque d'être un grand succès là-bas de toute façon parce que c'est quand même une grande figure de la culture française. Il n'y a pas encore de date d'annoncer pour le Québec et pour la francophonie. Je ne sais pas non plus s'il va y avoir une adaptation anglophone ou une traduction. J'imagine que oui, mais je ne sais pas par contre quelle importance a Serge Gainsbourg ailleurs dans le monde, même ici au Québec. Je ne sais pas si le film va avoir la même importance qu'il y a eu en France, si ça va vraiment devenir un grand hit qui va être numéro 1. Mais bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est très, très populaire en France, ce film Gainsbourg, vie héroïque, sur la vie de Serge Gainsbourg. Nous, pour tout de suite, on écoute sa fille, Charlotte Gainsbourg, avec un extrait de son album IRM. On écoute Le chat du café des artistes au palmarès francophone sur C'est fou 89.1 FM. Ficelle.

Marie-Pierre Arthur avec la pièce Elle, ça monte quand même pas mal. Ça, c'était en position numéro 10 la semaine dernière et ça se retrouve en position numéro 2 cette semaine. Il reste seulement la position numéro 1 du palmarès francophone à aller écouter, mais juste avant ça, on va retourner un peu en arrière parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur pour souligner l'absence de Mathieu Plante, probablement pour que vous sentiez comme s'il était là. Il s'en vient bientôt, Mathieu, ça devrait pas être bien long. Donc, tantôt, j'ai un peu passé par-dessus la position numéro 7, qui était « Et je pleure » de Orange Orange. J'avais écouté la pièce « Sors-moi » de Orange Orange, mais on a quand même le temps d'aller écouter la véritable position numéro 7, qui est « Et je pleure ». Donc, on écoute ça tout de suite et ça va être suivi de la première place par le palmarès francophone, mais je vous dis pas tout de suite ce que c'est. Pour l'instant, on écoute « Orange Orange ». Qui tombe la fenêtre contre le nez, puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. I'm in need of some deep attention, I want to walk in a brand new dimension. Calcule mes livres en trop, je danse tous les vendredis soirs, je fais l'amour en stéréo, je m'achète une télévision, je me couche pour un téléthon, je compose de tristes chansons de tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Keep my eyes from breaking apart. Tell me, when will our story position. Je C'était donc la position numéro 1 cette semaine des palmarès francophones. C'était le groupe Mimi Van Der Klo de Trois-Rivières avec la pièce « Demain, je travaille ». Je vous répète rapidement le top 5 du palmarès francophone. En cinquième position, on retrouvait Hôtel Morphée avec la pièce « Danse sur les toits ». En quatrième, c'était Chinatown avec « Tu es un hit ». En troisième, Charlotte Gainsbourg avec « Le chat du café des artistes ». Et ça, c'était tout un bon hein, pour Charlotte Gainsbourg qui était nouvelle entrée en 20e position la semaine dernière. Donc, si ça continue la progression comme ça, on pourrait prédire que ça pourrait se retrouver en première position la semaine prochaine. La deuxième cette semaine, c'était Marie-Pierre Arthur avec la pièce Elle et on vient d'entendre Mimi Van Der Klo avec Demain, je travaille. Pour les auditeurs du vendredi, c'est terminé, c'est les lutins de l'enfer qui s'en viennent. Sinon, si vous écoutez les jeudis, on va continuer avec les autres palmarès. On pourrait appeler les palmarès alternatifs. C'est ça pour la prochaine demi-heure et après ça, à 15h, ce sera l'émission Assemblage requis et Mathieu s'en vient, Mathieu Plante, si vous vous ennuyez de sa douce voix qui anime normalement les palmarès, eh bien, il s'en vient là, au retour de la pause, Mathieu va être là et moi aussi, je vais être avec lui, donc voilà, on s'en va en pause. C'est toujours au palmarès, c'est fou, en compagnie de Kiwan et Mathieu Plante qui vient de nous rejoindre. Salut Mathieu. Ah, salut Kiwan. Ça va bien? Ben oui, merci de m'avoir remplacé pour le début de l'émission, c'est génial ça. Ben c'était un plaisir, est-ce que t'es content de retrouver ton palmarès? Ah, disons que... Il est bien fin, là, mais des fois, je pourrais m'en passer. Ah, OK. C'est pas tant ennuyé que ça, finalement. Non, en fait, j'adore les palmarès, je suis très, très heureux d'animer ça chaque semaine. Et ça fait très bien ça, un remplacement vraiment parfait. Ah, merci, c'est très gentil. C'est parce que t'as pas entendu tout ce que j'ai dit à ton sujet pendant l'émission, mais une fois que t'as réécouté la balado-diffusion, t'as peut-être changé d'idée. Ouais, c'est ça. J'ai écouté la reprise vendredi aussi, entre 17h et 20h, pour ceux qui auraient raté un bout de ce que t'as dit sur moi. C'est bon. On va aller écouter maintenant une petite pièce du top 30 des CD. OK, bonne idée. Un groupe qui était dans le palmarès anglo il n'y a pas si longtemps, History of, qui est en 29e position du top 30. Et on va écouter une nouvelle pièce de cet album-là qu'on n'a jamais entendu ici à C'est fou. Ça s'appelle Low Level du groupe History of. On écoute ça tout de suite. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Fight on. dress clothes. There are rows and rows and rows of dead men clothes. I'm talking about dead men clothes. Wherever you go, take a look at your feet. Down 6 feet deep, there's dead men's bones. Bones, bones, bones, bones, bones, bones. Take a look. Toujours dans l'extra palmarès. Ouais, le super, super 7. Non, attends, c'est déjà utilisé ça. Le 6 à 6, non, attends, c'est ça aussi. Le 6 à 6, ça. Les grandes gueules. Non, attends, mais c'est original, ça. Ouais, vraiment, j'ai plein d'idées aujourd'hui. Non, c'est l'extra sauce. Extra sauce, ah, c'est bon, c'est l'extra sauce, j'adore ça. Ou on pourrait aussi le décrire en disant que c'est la partie bonus des palmarès après le top 20 francophone, ce qu'on a fait un peu plus tôt. Ben, on passe les d'autres trucs qui ont rapport avec les différents palmarès de C'est fou. Ouais, et c'est comme un pré-assemblage requis aussi. Donc, c'est oui, comme un oui, entre-deux, vraiment, c'est comme un pont. C'est vrai, on s'en vient dans 20 minutes environ avec l'émission Assemblage requis. Enfin, on partira pas. Non, c'est ça. Vous êtes poignés avec nous autres. Nous autres, on bouge pas. On vient d'entendre dans cette partie extra sauce brune. J'aime bien ça. Extra sauce brune, on a entendu le groupe Dead Man's Bones. Dead Man's Bones. On sait plus où mettre les S là-bas. Ouais, c'est compliqué avec la position numéro 23 du top 30 des CD. Donc, c'était la pièce titre du groupe. Ça se dit-tu? Titre du groupe. La pièce qui porte le même nom que le groupe, la pièce homonyme. Ouais, parce que l'album s'appelle pas comme ça, mais le groupe s'appelle comme ça. Donc, en tout cas, c'est la pièce qui porte le même nom que le groupe, Dead Man's Bones. Ça, c'est clair. C'est très clair. Et maintenant, on va continuer avec un artiste qui n'est pas dans le top 30 des CD, qui est dans le top 20 anglophone qu'on a entendu hier. C'est le groupe Olerado. En fait, il est dans les deux. Oui, ça se peut. C'est possible. Peu importe, mais oui, il est aussi dans le top 20 anglophone. C'est même une des nouvelles entrées de cette semaine. On les a entendues hier. Oui, c'est ça, c'était une nouveauté hier. C'est vraiment très bon. J'adore ce groupe-là. C'est un groupe montréalais. Oui, c'est un groupe montréalais. Et on va écouter tout de suite la pièce. C'est pas la pièce qui est dans le palmarès anglophone, parce que la pièce dans le palmarès anglophone, c'est Juliet. Et nous, on va écouter la pièce Americanorama. Je pense que c'est ça. C'est compliqué encore. Americanorama. Americanorama. Ah, OK. Comme dans de l'Americana, c'est de la musique typiquement américaine. C'est comme on a du Canadiana. C'est ça, il me semble. Ça serait logique. C'est ça. Donc, on écoute ça tout de suite, Colorado, avec la pièce Americanorama. Dans l'extra sauce brune. Extra frites sauce, super size me. Le 85 que tu rajoutes pour avoir une plus grosse frite et une plus grosse liqueur. Là. Ouais, c'est ça, on est dans cette partie-là, dans le fond. C'est ça. We'll be right back. stuck when all your lights are gone out. Kept an eye out in battery park in Denver, USA. You came down from the top of the mountain. Bet you didn't count on me coming, but you watched it. The Almost. Oui, The Almost, qui sont au numéro 1. En fait, leur album est numéro 1 du top 30 des CD de C'est Fou. Avec, ils ont aussi une pièce qui est dans le top 20 anglophone. Oui, la pièce Hands, qui est très, très populaire en ce moment. Exactement, mais nous, on a plutôt entendu la pièce Lonely Wheel. Lonely Wheel. On est toujours dans le bloc extra sauce du palmarès. Je sais pas si ça va se pogner comme nom, ça, ce moment. Je sais pas si ça va passer au conseil. Ouais. Conseil fictif, évidemment. Mm-hmm. Ouais. Bref, oui, la conseil portion. Conseil qui est composé de nous deux, en fait. C'est ça. Ouais. Et ça passe avec toi? Ben oui. Moi, je suis pas sûr encore. Non, OK, c'est ça. Je ne vote pas, je m'abstiens. OK. C'est mon vote. Non, mais c'est la portion extra, là, où on passe du top 30 des CD, du top 10 loud, du top 10 électronique, dépendant. Hier, on a écouté le top 10 électronique au grand complet, le top 3, là. Pas le top 10, le top 3, excuse-moi. Et c'était très bon. Mm-hmm. Très, très bon. Aujourd'hui, on est surtout dans le top 30 des CD. On a entendu quelques pièces de ça. Là, on va changer un petit peu de mood, d'humeur. On va changer d'humeur. De genre de musique. Ce sera pas du top 30 des CD. Non, c'est ça. En fait, c'est un peu comme nos prédictions ou plutôt ce qu'on espère un jour voir entrer dans un ou l'autre des palmarès. C'est un peu notre boîte à suggestions. Si oui, exactement. Donc, c'est un album qu'on a reçu récemment ici et qu'on fait beaucoup jouer dans l'émission Assemblage requis. Qui est excellente en passant, l'émission, là, entre 15h et 17h du lundi au jeudi. En passant comme ça, tu sais, conseil d'amis. Donc, le groupe s'appelle Woodhands. On l'aime beaucoup. On le fait souvent jouer. L'album s'appelle Rumours Capé. Il sort la semaine prochaine. Mais nous, on l'a déjà ici. Vous êtes tous les épais. On fait souvent jouer la pièce Pocket parce qu'elle est vraiment très bonne. Donc, on va la faire jouer en espérant qu'un jour, peut-être, nos prières seront entendues. Prières. Parle-moi pas de ça, les prières. Donc, on écoute ça tout de suite. Pockets de Woodhands dans le bloc. Extra sauce! Ah, tu vois, tu l'aimes quand même. Ben, ça se dit bien, ça. Les palmarès, c'est fou, extra sauce! Ah, c'est pas pire. Thank you. habillant, mais Kalina superstar. On marchait sur la main ou marchait sur la auto. Inéminimanemo, c'est qu'est-ce qui veut du jello? Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby hello. Saute, danse autour la caisse, on marchait sur la haie. Ok, j'explique, c'est 7-7-7, jet set dans ma minivan. No, that cut, j'ai ma case in case, que ma case work pro. Hit case in case, que ma still work pro. Penny loaf avec chou, garde la soul, garde la soul, garde la gemma. Nah man, moi j'work ma tan. Shopping channel, vend des scam. Copy, call et j'suis comme damn. Basically, so basic, so avec mes penny loaf, avec mes tech chou. Et j'vois marcher sur la. Marcher sur la haie, j'ai dit plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la. Pas un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Une paire de deck shoes, pas de boîte bateau, un premier down. C'est même que ça se passe, quoi d'où tu veux j'te dise. Baille-moi 15 minutes, puis watch mon pack de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça me coûte rien, un peu sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz, qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers, avec mes tech shoes, et j'vais marcher sur la. Le jour là j'fais en rien de glou. J'm'achant pour des causes. M'ach croyant rien du tout. C'est la new edition. Television match le piano. Tout seul d'un monde qui sait. Tout le monde croit qu'il faut. Tout seul d'un monde qui croit. Les histoires des matelots. M'a j'les ai trouvés sur le bout du chat. En marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes. Et j'vais marcher sur la ou j'vais marcher sur la. Avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes. Et j'vais marcher sur la ou j'vais marcher sur la. Artist of the Year avec la pièce pas Artist of the Year, Radio oui. Avec la pièce Deck Shoe. On leur donnera pas des prix tout de suite là, on sait pas s'ils sont artistes de l'année ou non. Non, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'était un petit bloc suggestion, c'est ça? Oui, si on veut des choses qu'on espère voir dans le palmarès à un moment donné. Radio, on n'a pas encore reçu l'album Bandaluga, Beluga et Gingras. Belmundo Regal. C'est ça. On n'a pas encore reçu, mais cette pièce-là, elle est très, très bonne. Très, très, très, très bonne. Je trouve que l'album va arriver, sûrement que... De toute façon, tu sais, il y avait une pièce Jacuzzi de Radio. Oui. Je pense que tu connais ça, tout le monde connaît ça. Mais oui. Elle s'est mise à beaucoup jouer récemment. C'est fou, ça a comme ressorti de comme une bulle d'eau dans un Jacuzzi, finalement. Ouais. Et puis là, ben, maintenant que ça pogne, sûrement que quand l'album va sortir, le Belmundo ça va vraiment faire fureur, j'en suis sûr. Oui, déjà, en plus, qu'on joue pas mal là, cet extrait-là, le premier extrait, Dekchou, parce que c'est vraiment très bon. Donc, je pense que ça va créer de l'attente. Et... Tu me dis, c'était quoi des Dekchou déjà? Dekchou? Ouais. Je sais pas. Ok, je me semble que j'ai entendu quelqu'un dire c'était quoi, un Dekchou. Ouais, Dekchou. Ah, en fait. Ouais, j'imagine un genre de gogoun, non? Ouais. Dekchou, ouais. Et avant d'entendre nos amis de Radio, on a entendu Pockets par Woodhands. Donc, c'est notre bloc. Essuyer de bateau, mais c'est quoi des. C'est quoi les bateaux en cuir? Moi, c'est non. C'est celui. Des petits loafers. Loafers, ok. Let mon oncle là. C'est ça. Ça, c'est Danny Janvier du Deviette Co qui me dit ça, puis il est super fin en plus. Bonne fin de semaine, Danny. Bon, donc, des deck shoes, des souliers de cuir qui ressemblent à un bateau. Ou qu'on porte dans un bateau, peut-être. Mais des loafers, ouais. Des loafers dans un bateau, ça doit être moins confortable, par contre. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. Mais dans la pièce, il dit aussi des penny loafers. Hein. Ah. Ou des deck shoes. Donc, il y a un lien entre les deux. Voilà. On pourra leur demander. Ils vont venir à Trois-Rivières en plus, hein, bientôt, Radio. Est-ce que tu veux les avoir en entrevue? J'ai déjà vécu cette expérience-là. Je te dirais que ça n'a pas été la plus belle journée de ma vie. Non. Ça n'a pas été la plus belle demi-heure de ma vie. Non, ils sont super gentils. Là, je ne veux pas dire qu'ils sont méchants. C'est juste que. Ouais, ils sont pas du monde, je dirais, en entrevue. Ouais. Ben, c'est pas qu'ils rient de l'animateur qui pose des questions, mais pas loin, c'est un peu ironique leur affaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est très drôle. Ouais, ça, c'est quand même un drôle de moment de radio. Voilà. Voilà, donc on se quitte pour quelques minutes. On revient avec Assemblage requis dans des secondes, je dirais. Des secondes. Dans 3 minutes, moi, je dirais. 3 minutes? Ouais. Ben, c'est plusieurs secondes, ça, par exemple. Dans 3 minutes, Assemblage requis. Restez avec nous.